Les entrepreneurs engagés avec France Active Lorraine. Bonjour à tous et bienvenue sur Fadjet la radio. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission des entrepreneurs engagés avec France Active Lorraine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un programme à destination des entrepreneurs et qui s'appelle le Créalab Régénère. Mais avant de vous en dire plus, je vous présente nos invités du jour, Céline Leclerc, chef d'entreprise, et Élodie Ledra, ma collègue en charge du programme Régénère chez France Active Lorraine. Bonjour mesdames. Bonjour Morgane. Alors pour commencer cette émission, Élodie, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le Créalab Régénère, à qui s'adresse-t-il et à quoi sert ce programme ? Alors, tout d'abord, c'est un dispositif qui est financé par la région Grand Est, BPI France, le département de Meurthe-et-Moselle, ainsi que les 5 communautés de communes des territoires du Lunévillois. Il s'adresse donc à toutes les entreprises, quelle que soit leur forme juridique, qui sont implantées ou qui veulent se développer sur les territoires du Lunévillois et qui ont moins de 3 ans. L'objectif, c'est de booster leur entreprise et d'intégrer également les transitions, qu'elles soient environnementales, numériques, sociétales, à travers un programme d'ateliers en lien avec des partenaires comme Kepos, Easyco, Simplon Grand Est. Est-ce que tu peux nous citer les 5 communautés de communes, parce que tout le monde ne sait pas vraiment quels sont les territoires du Lunévillois? Alors, nous avons la communauté de communes du Sanon, la communauté de communes Celles-et-Vermois, la communauté de communes, la CC3M, la CCTLB pour territoire de Lunéville à Baccara et Vezouz en Piémont. D'accord, donc si je récapitule, le Créalab, en fait, c'est un parcours renforcé pour les entrepreneurs ou repreneurs d'entreprises de moins de 3 ans et des territoires du Lunévillois. Et l'objectif, ça va être de booster leur développement et leur impact. Et justement, je t'ai invité dans cette émission aujourd'hui car tu es à la recherche de nouveaux entrepreneurs pour intégrer la promo 2024. Est-ce que tu peux nous parler en fait des informations pratiques à avoir si un auditeur est intéressé pour candidater? Bien sûr, donc l'appel à candidature, il est en cours jusqu'à la fin du mois et il est visible sur le site internet de France Active Grand Est ou sur les réseaux sociaux de France Active Lorraine. Alors justement, toi Céline, tu as fait partie d'une des promos précédentes, la deuxième je crois, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux déjà te présenter pour nos auditeurs et surtout nous parler de ton activité? Oui, alors donc, moi c'est Céline Leclerc, donc, je suis créatrice textile zéro déchet, enfant, un petit peu idée cadeau. Effectivement, j'ai fait partie de la promo 2 du Créalab. Donc, si je ne dis pas de bêtises, c'était en mai 2022. J'ai intégré la promo parce que, suite à une réunion d'information qui a eu lieu sur Lunéville, j'y suis allée et, en fait, il me fallait un petit coup de boost, en fait, pour vraiment être ancrée au niveau environnemental, sociétal et surtout numérique, parce que effectivement j'étais pas forcément très très à l'aise à ce moment-là avec les réseaux et autres. Donc du coup de pouvoir discuter de tout ça en petit comité, de pouvoir être accompagnée toujours sous des ateliers par thème, c'était très très appréciable. Grâce à ça, j'ai quand même pu faire augmenter le chiffre de mon activité. Non, franchement, ça serait à refaire, ce serait sans hésiter. Super. Donc ouais. Ça, c'était vraiment tes attentes, surtout au niveau numérique, de booster ton développement. Est-ce que tu avais d'autres attentes, besoins? J'avais pas forcément d'autres attentes, mais de voir d'autres créateurs d'entreprises dans différents domaines. En fait, on s'est tous plus ou moins rendu compte qu'on pouvait avoir des accroches les uns avec les autres en fonction de nos différents domaines d'activité. Chaque personne apporte sa petite idée à ton projet personnel et du coup, ça fait grandir tes idées, ça fait grandir ton projet et franchement, c'est juste parfait. Et puis grâce à Élodie et Isabelle Janin de Kepos, j'ai pu du coup développer la vente de mes articles sur le secteur de Nancy en plus du secteur du Lunévillois. D'accord. Alors Élodie, Céline, elle nous disait à l'instant, donc c'est pourquoi elle a intégré le Créalab. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer d'autres raisons qui peuvent pousser des entrepreneurs à intégrer ce programme, notamment avec des ateliers avec des thématiques bien diverses? Oui, tout à fait. Effectivement, les créateurs ont souvent beaucoup d'accompagnement au moment de la création ou juste avant, et puis parfois après, ils se sentent déjà isolés. Donc là, on s'adresse bien aux jeunes entreprises jusqu'à 3 ans après la création. Donc tout simplement, on peut se questionner, se re-questionner sur la forme juridique choisie ou son évolution, sur son business plan, son implantation, sa zone de chalandise, et puis avoir aussi besoin de plus de visibilité, de réseau, etc. Donc chaque mois, il y a un atelier qui est dédié à une thématique entrepreneuriale ou numérique, environnementale, etc. Et donc c'est bien sur les territoires du Lunévillois, sachant qu'on peut étendre sa zone de chalandise, comme Céline en a parlé justement à l'instant. Et c'est un accompagnement qui va durer de 8 à 10 mois, selon les années. Alors Élodie, beaucoup d'entrepreneurs aux activités très diverses ont été accompagnés depuis le lancement du programme en septembre 2021. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns? Oui, donc on est sur une trentaine d'entrepreneurs hein, sur les 3 premières promotions et on est sur des activités de métiers de bouche, hein, traiteur par exemple, du maraîchage, des activités liées au bien-être comme la sophrologie, on a également de la médiation animale, des activités de service aux entreprises, etc. D'accord, donc c'est vraiment très divers. Alors Céline, tu nous as parlé de tes attentes envers le CréaLab juste avant. Maintenant que les Oui. auditeurs en savent plus sur le programme, est-ce que tu peux concrètement nous dire ce que ça t'a apporté? Alors déjà, ça m'a apporté un peu plus de confiance en moi dans la gestion de mon entreprise. Parce que j'adore ce que je fais, j'adore créer. Enfin, vraiment, je m'épanouis dans ce domaine-là. Par contre, j'étais toujours un petit peu sur la réserve quand il s'agissait d'aller entre guillemets frapper à la porte de certains commerces pour proposer mes articles ou éventuellement de développer. Oui, mes lieux de vente, les marchés, les choses comme ça. Et en fait, d'être allée au CréaLab, ça m'a permis de prendre plus confiance en moi, de prendre aussi plus part dans les réseaux, dans le numérique, et de ce fait, de pouvoir faire grandir mon activité. En 6 mois de temps, j'avais quand même augmenté mon activité. J'ai quand même doublé mon chiffre de par plein de petites astuces qui m'ont été données lors des ateliers. Et à l'heure actuelle, où est-ce qu'on peut te retrouver, Céline? Alors, pour l'instant, les marchés artisanaux sont en arrêt puisque voilà, on arrive en saison hivernale, donc il y a les marchés de Noël qui vont commencer. Donc moi, j'en fais deux, je fais celui de Baccarat et celui d'Azraï puisque j'ai d'autres projets. Donc je n'en fais pas beaucoup cette année. Et sinon, j'ai une boutique sur Etsy, au Découvite. Et sinon, voilà, je suis aussi dans un petit magasin sur Nancy. Voilà. C'est super. Ben, en tout cas, je te remercie d'être venu nous parler de ton expérience et on te souhaite vraiment un bel avenir pour tes futurs projets. Merci beaucoup. Alors, Elodie, l'émission, elle touche bientôt à sa fin. Je pense qu'on a quand même répondu à toutes les questions que nos auditeurs pouvaient se poser à propos du Créalab. Pour finir, est-ce que tu peux nous parler rapidement des rencontres Créa qui s'adressent quant à eux aux futurs entrepreneurs des territoires du Lunévillois et qui fait partie aussi du dispositif Regénère comme le Créalab? Oui, donc tous les mois, effectivement, on va convier des porteurs de projets, donc là qui n'ont pas forcément créé leur entreprise, mais voilà, qui s'interrogent sur un projet entrepreneurial, quel qu'il soit, sachant qu'on va avoir des personnes en reconversion professionnelle, des demandeurs d'emploi, et on va leur permettre aussi pendant une heure et demie, de rencontrer tous les partenaires aussi de leur territoire. Donc, selon les rencontres, là, par exemple, la prochaine est dédiée à l'entrepreneuriat dans les quartiers. On va le faire avec Alaka dans le cadre d'un programme particulier. Ça sera le 14 novembre. On en aura une plutôt dédiée au financement avec BPI France le 12 décembre. Donc, c'est un espace privilégié pour qu'on puisse répondre à vos questions, vous, futurs créateurs, repreneurs d'entreprise. Alors, merci Elodie pour toutes ces infos. Donc en conclusion, si vous êtes un créateur ou un repreneur depuis moins de 3 ans, ou un bénéficiaire du RSA, un demandeur d'emploi, et que vous souhaitez développer ou créer votre structure sur les communautés de communes qu'on a citées donc auparavant, les 5 communautés de territoire du Lunévillois, je vous invite vraiment à candidater pour ce programme qui va vous permettre de développer votre activité et en plus dans une démarche durable et éco-responsable. Donc plus d'informations sur notre site internet www.franceactive-du6grandest.org ou sur nos réseaux sociaux France Active Lorraine, donc Facebook ou LinkedIn. Alors merci également à Céline Leclerc d'être venue témoigner sur son parcours dans le CréaLab. Céline, on vous souhaite plein de belles choses. Merci beaucoup. Et enfin, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau thème des entrepreneurs engagés avec France Active Lorraine. En attendant, vous pouvez retrouver toutes nos actus sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet. Si vous avez loupé une partie de l'émission ou vous souhaitez la réécouter en podcast, rendez-vous sur fadjet.net. Bonne semaine à tous.